Allô. Alors, ici Elkatou, je suis toujours accompagnée de Nelson et Nio. C'est moi. Alors aujourd'hui, en fait, on a cinq films, et dont trois films avec des sujets un peu particuliers. On s'est pas consulté, mais c'est bien de compacter tout ça sur une seule émission, tant qu'à faire. On va nous aimer. Voilà. On commencera par Exam avec moi. Exam de Stuart Azeldin. Ensuite, on continuera avec Behind the Curve, un documentaire de Daniel J. Clark avec Nelson. On continuera ensuite avec Film Noir de Risto Topolowski et Dave Jones avec Neo. Ensuite, on aura Promising Young Woman de Emerald Fennell avec moi. Et on finira par Bikram Yogi Guru Predator de Eva Horner avec Nelson. Voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Donc, Exam, qui est un film de 2009. 2009 ou des fois 2010, mais IMDb le met en 2009 et je crois que je l'ai vu autre chose en 2010, mais je crois que ça doit être parce que peut-être sorti en France en 2010, je sais pas. Enfin, bref, il est de 2009, qui est qualifié comme un thriller psychologique britannique. Et donc je vous fais le pitch. C'est huit candidats qui passent l'épreuve finale d'un processus de recrutement. Ils sont tous cloisonnés dans une salle avec une feuille et un crayon, et on leur indique ce qui est éliminatoire. On dirait qu'on leur dit si vous faites ça, vous sortez directement. Et top chrono, ils ont 80 minutes pour répondre à une question. Mais en fait, c'est quoi la question? Et du coup, en fait, ils vont passer un max de temps à s'entre-déchirer en cherchant quelle est cette fameuse question pour pouvoir y répondre et être celui ou celle qui sera choisi. Donc on a quand même huit candidats qui sont censés être en vouloir grave pour avoir la place, quoi. C'est chaud. Ouais. Mmh. Et donc voilà. Et donc le réalisateur, en fait, a pas, il a, enfin lui-même, il a pas fait énormément de films. C'est son premier long métrage. Il en a juste fait un autre avec Sam Worthington et Octavia Spencer, qui s'appelle Le chemin du pardon en 2017. Et il en a un autre en préparation, mais j'arrive vraiment pas à savoir depuis combien de temps il en prépare, quoi. Donc il doit galérer un peu. Concernant les acteurs, en fait, on a un casting, il y a un peu tout. Enfin, il n'y a pas de grosses rosta, quoi, mais il y a un peu de tout sinon en termes de carrière. On a par exemple en premier lieu Jimmy Mistry, personnellement j'aime bien, que j'avais découvert dans Bande Romantique où il jouait un gentil petit malfrat en fait qui tombait amoureux d'une vieille fille renfermée. Mais je crois que le film en fait qui a participé à le faire connaître professionnellement, c'est Fish and Chips en 99. Sur une famille pakistanaise dans les années 70, et le fossé qu'il peut y avoir entre les parents qui sont encore tradis et qui ont immigré en Angleterre et les enfants qui y sont nés. Et sinon, il a joué aussi dans 2012 ou Rock'n'Roll Guy Ritchie, de 2012 ou Rock'n'Roll Guy Ritchie, Blood Diamond avec DiCaprio. Enfin bref, il a fait plusieurs longs métrages et finalement des soaps aussi, genre EastEnders ou Coronation Street, parce que bon, ça reste un acteur qui est typé professionnellement indien ou pakistanais et en réalité les métis indiens-irlandais quoi. Et donc du coup, bah je pense qu'en termes de rôle, il n'avait pas forcément des propositions hyper sexy quoi. Et en fait, apparemment, il a stoppé sa carrière en 2015 pour Ah se ouais. cons et pour se consacrer. Et là, ça me tue à une carrière dans le fitness avec sa femme. Moi, j'en suis la Écoute, il a première. trouvé sa voix. Moi, j'en suis la première attristée. Je l'aimais bien en tant qu'acteur, donc je me dis c'est dommage qu'on n'ait plus à le voir dans des films, quoi. Et on a aussi Colin Salmon. Qui a commencé sa carrière en 92, donc ça fait un petit bail, qui est un mec assez charismatique que perso j'avais découvert en 2000, en, que j'avais perso j'avais découvert en 2008 dans un film qui s'appelle The Club, lors d'une AVP où justement les acteurs étaient venus pour le film, quoi, pour voir le film. Pour vous dire, à un moment en fait, quand on a présenté tous les acteurs, direct quand c'était enfin lui, bah le public il l'a acclamé parce que à cause du rôle, parce qu'il est charismatique, voilà quoi. Et c'est un mec en fait qui, c'est un mec voilà, qui est plutôt destiné à des rôles des mecs très classe, un peu gentleman, qui en imposent, ou des militaires. Et après, on l'a vu dans pas mal de trucs, hein, genre Resident Evil ou Doctor Who, en passant par Alien vs Predator, et dernièrement, il jouait le général Zod dans la série Krypton, qui a juste connu 2 saisons. C'était pas vraiment fou hein, comme série, hein, donc c'est assez laborieux, je suis pas étonnée qu'il soit arrêté là. On a aussi Pollyanna McIntosh, en fait, qui a une carrière honorable de la TV, pas mal de longs métrages, qui était dans Let Us Pray, qui était passé à l'Étrange Festival, il me semble, je pense. Mais que finalement, en fait, moi, je la connaissais juste pour l'avoir vue dans Walking Dead, puisqu'elle jouait le rôle de Jadis, en fait, le chef d'une population qui vit dans une décharge. Pour le reste du casting, perso, ça me disait pas grand-chose. Même si certains ont fait pas mal de trucs comme Luke Mavely ou Natalie Cox qui jouait une pin-up dans La Môme. C'est là, elle a toute sa filmo comme ça et d'un coup, poum, pin-up La Môme. On a même une actrice, Ada Arbeck, en fait, où c'était juste son deuxième rôle, quoi. Enfin non, je crois le premier, je sais plus, mais elle a joué. Oui, c'était son deuxième rôle et elle a joué. Elle en a joué en tout 4 sur toutes ces années, quoi. Et pourtant, elle est très très bien. Bon alors, t'as un petit chat dans la gorge aujourd'hui, Nelson. Hein? Il est parti ailleurs. Nelson. Attends. Ah, ça a coupé sur la fin. T'as coupé où? Non, non, c'est juste. Alors, justement. Non, parce que je te disais, en fait, je te disais que tu toussais pas mal aujourd'hui, t'as un petit chat dans la gorge. Excuse-moi, mais c'est juste. Je suis sorti deux secondes pour aller boire de la flotte. D'accord. Parce que justement j'avais un chat dans la gorge. Je m'excuse. T'avais un mini dans la gorge. Ok. Donc il y a aussi Chuck Woody Iwuji. En fait, dans la tête me disait vaguement quelque chose, mais j'avais aucune idée de quoi en fait. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est qu'il a fait pas mal de trucs, en fait, dont John Wick 2 et Doctor Who, quoi. Mais après, jamais de rôle hyper flagrant, quoi. Et puis, il y a Gemma Chan. Gemma Chan, dont c'était l'un des premiers rôles, en fait, qui a depuis étoffé son CV. Parce que je rappelle, le film est de 2009, hein, donc depuis, elle a eu le temps de grave l'étoffer son CV. Elle est passée par toutes les séries anglaises, je crois, mais aussi les grosses prods comme Transformers, The Last Night, Les Animaux Fantastiques. Après, elle s'est plus fait connaître aux États-Unis avec Crazy Rich Asian. Oui, parce que c'est un film britannique, hein. Avec Crazy Rich Asian, elle joue dans Captain Marvel aussi. Et j'avais parlé d'elle quand j'avais évoqué le dernier Soderbergh aussi, Let Them All Talk, où elle est dedans. Et elle est au casting d'un des prochains Marvel qui s'appelle Eternals, justement, ou un jour un autre rôle que dans Captain Marvel. Donc, voilà. Le film en lui-même, en fait, ça se passe dans un décor très très froid. Je crois que y a pas tant d'entreprises qui sont comme ça. Tu sais, c'est vraiment décor très gris et tout. C'est cinématographiquement la froideur typique d'une grosse boîte, mais dans la réalité, t'en as pas tant qui sont comme ça, en fait. Un espèce de gris foncé. Moi, honnêtement, dans ma vie professionnelle, je suis allée une fois dans un truc comme ça, quoi. Ça faisait très ciné, d'ailleurs. C'était très marrant. Donc on a Exactement, hein? Ouais, bah, Exactement, hein. j'avais absolument pas envie d'y aller. Tu sais, c'est, tu sais, des fois, tu vas à un entretien, tu dis pourvu que je l'ai pas. Donc on a oui un décor gris froid corporate, l'éclairage est minutieux, le mobilier en métal, les acteurs sont tous tirés à quatre épingles, enfin excepté deux personnages, mais ça fait partie de leur rôle. On repère petit à petit les caractéristiques de chacun et en premier lieu une espèce de petite pute en fait qui est un peu sosie de Macron façon dent qui raye le parquet, enfin voilà l'exemple typique de l'homme blanc qui tout réussit. D'ailleurs son personnage, il le dit à un moment, on est venu me chercher, tu vois, alors que tous les autres ont postulé. Et par qui finalement va arriver pas mal d'événements. En fait, au-delà d'être un personnage énervant, en fait, il a un rôle d'agitateur sur le scénario. En fait, il génère de l'action. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver à cause de ce qu'il fait. La progression de scénario, justement, elle est pas mal gérée. On rentre assez bien dedans et il sait nous capter justement parce que finalement il n'y a pas de temps mort. Et du coup aussi on passe par une lecture sur sur une lecture de l'histoire, sur le chacun pour soi en situation particulière, mais aussi sur la stigmatisation en fonction des profils. Et peut-être aussi sur la manière dont on sélectionne et traite les gens dans les grandes entreprises aussi. Mais voilà. Et même si c'est fictif, parce qu'en fait, la première partie du film, elle l'est pas tant que ça. Mais bon, à un moment, en fait, on comprend qu'on est dans une réalité finalement. Eh ben, on comprend qu'on est dans une réalité finalement assez proche de ce qu'on vit, en fait. Je vais spoiler un peu, en fait. On comprend qu'à l'extérieur, il y a une épidémie qui a impacté la vie des gens. Hein, donc, 2009, les gens, hein, 2009. Et là aussi, enfin là, on sent que chaque plan est bien calculé, le décor unique est absolument pas gênant parce qu'on n'est jamais statique, on ne s'ennuie pas, il y a beaucoup de plans qui ne sont jamais trop longs d'ailleurs. La caméra n'hésite pas à bouger. On a une utilisation assez judicieuse des gros plans. Et puis il y a ce compteur en fait qui rythme aussi le déroulé. D'ailleurs le compteur aura un rôle dans l'histoire plus tard aussi quoi. Après il y a un twist que perso j'avais vaguement vu venir, mais bon c'est pas hyper gênant. Les prestations du casting sont pas mal du tout en fait, peut-être un peu cliché par moment, mais je vois pas comment on pourrait faire autrement en fait, parce qu'il faut caractériser les personnages dans un petit espace comme ça avec des où chacun se confronte, il faut pouvoir les identifier assez rapidement. Le film il est assez net et d'ailleurs il a eu le prix coup de cœur au festival du film britannique de Dinard en 2010. Et il a été nommé au BAFTA aussi. Enfin, c'est typiquement le petit film dont on n'attendait rien et qu'on est content d'avoir vu. Donc voilà. Ok. Ok. Nelson, entre deux petites touffes. Ouais. Behind the Curves de Daniel J. Clark. Yes. Alors, Behind the Curve est un documentaire que j'ai vu sur Netflix, donc de Daniel J. Clark, et en fait, ça parle des gens qui croient en la Terre plate. Et en fait, ça suit deux personnes influentes de ce mouvement qui a des racines très très très lointaines, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, il y avait déjà la Flat Earth Society qui existait, au 19e, pardon, il y avait la Flat Earth Society qui existait, et bon, c'était que quelques milliers, voire même pas quelques centaines de personnes qui y croyaient. Et puis, c'était des gens qui étaient, on va dire, très conservateurs. Et puis, avec l'arrivée d'Internet et surtout des tubes, donc YouTube, etc., des chaînes, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens, enfin, surtout YouTube, beaucoup, beaucoup de gens aux États-Unis se sont mis à croire en la Terre plate parce qu'il y a des vidéos qui disent oh, bah, c'est pas possible, que c'est pas la courbure de la Terre n'existe pas, la gravité ou des choses comme ça. Bref. Ça va très loin. Après, ouais, ça va très, très loin. Après, je Ça a pense pris une aussi que ce ampleur. genre de truc, excuse-moi, je te coupe, mais ce genre de truc, en fait, aux États-Unis, sur les croyances alternatives, a toujours un terreau parce qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus, c'est, par exemple, eux, n'importe qui peut créer sa secte, tu vois. Enfin, ils appellent pas ça une secte, mais une religion, quoi. Donc, ils ont, enfin, au niveau des croyances, ils sont beaucoup plus libres, que nous, en fait. Ils ont pas de barrière, en fait. Donc, c'est pour ça que généralement, ça, ce genre de truc arrive facilement aux États-Unis. Bah, en fait, là, en tout cas, ça a pris une ampleur telle que, bah, en 2017, il y a une conférence, la Flat Earth Society Conference, qui a eu lieu avec des tas de gens qui voilà, sont persuadés que la Terre est plate et que c'est une conspiration de l'élite scientifique. Oui, bien sûr. On sait pas trop pourquoi. C'est le moment d'enclencher le générique d'X-Files. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout, c'est surtout parce que, si tu veux, dans le documentaire, il y a une constante, c'est que bah, pour la plupart, ces gens-là, ce sont des gens très très seuls. Et on va suivre donc Mark Sargent qui vit dans l'État de Washington. Il vit avec sa mère et en fait un jour il tombe sur une Alors le documentaire, c'est qu'au départ, c'était c'était un mec qui avait des petits records régionaux, genre le type était champion de pinball virtuel, etc. etc. Et puis ensuite, un jour, il fait une découverte sur la. Il fait une première découverte, il se pose des questions, le monsieur. Et il fait une première découverte sur la soi-disant inexistante de la courbure, inexistence, pardon, de la courbure de la Terre. Nelson, Oui. je te coupe un peu, mais champion pinball, en fait, on passe de Tommy à un truc sur la Terre plate, quoi. Ouais, mais oui, Ouais, tu m'as pas écouté là. C'est exactement ça. Et en fait, le truc, il est que le personnage de Mark Sargent, c'est un mec, c'est un bon gars, quoi. C'est un brave gars qui juste un jour tombe sur une question qui te soulève et qui se lève pas par le bon bout de la lorgnette, et puis d'un coup il est persuadé d'avoir découvert la vérité, et il commence à tomber dans des trucs de au départ de la Terre plate, et puis après de grandes conspirations, etc. etc. Et il rencontre une femme qui s'appelle Patricia Skiers. Et ensemble, ils font. Alors, d'abord, Mark Sargent, il fait des vidéos sur YouTube, ça pogne vénère, c'est-à-dire que t'as des gens qui disent: oh, mais oui, mais putain, c'est incroyable ce dont vous parlez. Je suis vraiment, comment on appelle ça, vraiment très très étonné. Waouh, mais j'ai toujours pensé ça et tout. Et ensuite, donc, ils rencontrent cette dame, Patricia Stiers, et ensemble, ils font un podcast. Qui s'appelle, je crois que c'est Hot Potatoes, Flat Earth and Other Hot Potatoes. Et ils font comment on appelle ça, ils font un podcast qui cartonne. Et donc on suit ces gens-là, à droite, à gauche. En parallèle, on pose des questions à des scientifiques, des vrais scientifiques, des comment dire, un ancien astronaute, une physicienne, aussi des médecins psychiatres aussi, pour comprendre sans trop juger. C'est ce qui est à peu près correct dans ce documentaire-là, c'est qu'on n'essaie pas trop de juger les gens, mais voilà, on sent qu'en fait il y a une partie des protagonistes qui sont quand même là, qui savent que y a, voilà, les mecs qui veulent y croire, on va leur laisser y croire, et puis on va se faire un peu de thune derrière, quoi. Tu vois? Et on suit un mec qui est comment ça s'appelle, qui est un menuisier, qui a fabriqué une moto électrique, qui a une moto électrique, et qui en fait, là, tu sais, met du plaquage en bois sur toute la structure de la moto, etc. Il se trimballe avec, et J'ai vu les images, c'est elle est belle la moto. ouais, elle est belle la moto. Et derrière, ils vendent des représentations de ce qu'est la Terre plate, en fait, à la base, tu vois, avec la théorie de l'espèce du grand dôme, que la Terre plate, en fait, la Terre est plate, elle est sous un grand dôme, et que donc, ce qui nous entoure, en fait, le pôle sud n'existe pas, le pôle sud, le pôle nord n'existe pas, on est entouré d'une grande calotte de glace autour de nous. Oui. Voilà, et on suit ce mec-là, on suit Darren Campanella, qui est le créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Globbuster, qui veut prouver que la Terre est plate, et donc il fait une espèce de. Il fait une expérience. Où il est sur un lac, et il va poser trois poteaux, un au début du lac, un au milieu du lac et un à la fin du lac, pour prouver, en fait, avec un tir laser, en fait, avec un laser, pour prouver que la courbure de la Terre n'existe pas. Et en fait, il fait un premier essai, et il s'aperçoit que, tu vois, le calcul qu'il avait fait, c'était que si. Le panneau, en fait, le laser vise le panneau, et si le laser tombe en dessous le panneau, Ça veut dire que la Terre est plate, et si elle tombe au-dessus du panneau, non, pardon, c'est l'inverse. Si elle tombe au-dessus du panneau, c'est que la Terre est plate. Si elle tombe en dessous du panneau, bah, ça veut dire qu'il y a la courbure de la Terre. Et il fait un premier essai et ça foire. Ça tombe en dessous le panneau. Et donc il comprend pas et il refait un autre truc à la fin. Et ça tombe aussi en dessous le panneau. Et là, d'un coup, il dit, attends, c'est intéressant ça. Et donc, tu vois, il essaie de prouver la non-courbure de la Terre, mais voilà, ça marche pas trop. Et donc les deux, alors le seul, si tu veux, point négatif que je donne à ce documentaire, c'est juste que bah il y a des fois il y a des séquences où j'ai l'impression que c'est un peu joué, tu vois, où ils vont dans un bâtiment, en fait les deux là, Patricia Stears et Mark Sargent, ils vont dans un bâtiment de la NASA, parce qu'ils vont dans le musée de la NASA et ils pénètrent dans un bâtiment genre oh le bâtiment il est ouvert, ah bah tiens on va crier que la Terre est plate, parce qu'en fait dans le bâtiment il y a une reproduction de d'une des premières navettes qui est partie dans l'espace, et tiens on va gueuler la Terre est plate et tout machin. Bon, j'ai trouvé ça un peu stagé, tu vois, un peu On joué, sent trop la scénarisation. voilà, on sent un peu ça scénarisé, mais après tout le reste est intéressant. Par exemple le mec, je crois que c'est Bob Knoedel, il y a une espèce de grand bonhomme, ancien policier, qui en fait a fait soi-disant des recherches, a été voir des physiciens pour leur poser des questions sur la Terre plate, et que les gens ils n'ont pas réussi à répondre à ces questions. Puis le mec est tout en assurance et tout, et il dit oui, on va leur prouver que la Terre plate, que la Terre est plate, etc. Et tout ça. Et à un moment, genre, dans la conférence, c'est un truc qui m'a choqué. C'est à un moment, il y a un gamin de 12 ans. Et le gamin de 12 ans, il dit ouais, le dôme, il serait jusqu'à quelle hauteur? Et l'autre, il dit, mais t'as quel âge, petit? Il dit, j'ai 12 ans, c'est mes parents qui m'ont amené là. Moi, je dis, là, mais j'étais sur le cul, quoi. J'ai dit, non, mais non. Non, là, ça va trop loin. Là, ça va beaucoup trop loin. Mais tu vois, tout ce genre de personnages-là qui sont complètement sûrs d'eux, sûrs de leur quête, et qui sont en fait des gens, pour la plupart, extrêmement seuls, qui n'ont plus de famille parce que ils ne parlent plus à leurs parents ou à leur famille, ou des fois sont des gens divorcés et donc sont extrêmement seuls et vulnérables pour certains, et qui se mettent à croire en ça parce que ils ont besoin de croire en ça, et que autour d'eux bah, il n'y a que des gens qui croient en ça, donc ça fait et qui recréent une certaine famille. Et c'est là où le documentaire, il essaie pas de juger ces gens-là, tu vois. Il montre ça, juste ça, tu vois. Et je trouve que c'est assez correct venant de la part d'un documentaire pareil. Après, voilà, moi, je veux dire, à comment dire, chaque allégation de ces personnages, je bondissais de ma chaise, véritablement, je bondissais de ma chaise. Et qu'à chaque fois que j'avais, et là je juge et je vous emmerde, on sache bien, voilà. Les gens qui m'entendent et qui sont pas d'accord, qui le savent bien, je vous emmerde. Toi aussi, quand tu vois ce docu, tu réagis comme Nelson, mets une petite pièce pour qu'on puisse acheter de la boisson. C'est ça, voilà, même pièce. non, la chose, elle est que, voilà, et à chaque fois, en fait, les scientifiques, les vrais, les physiciens, etc., comment dire, qui répondaient aux allégations, bah, en fait, ils disaient une seule chose, ils disaient la seule chose par quoi on a péché, c'est simplement de les avoir regardés de haut. On n'aurait pas dû, en fait. On n'aurait pas dû les regarder de haut. Et en fait, c'est là où Parce que ça les a renforcés, c'est le ça? voilà, ça les a renforcés, en fait. Et du coup, il y a un moment, il commence à expliquer, voilà, à établir, parce que bon, le doc, il a 2 ans maintenant. C'est là qu'ils, justement, les mecs sont en mode, bah, on va établir quelque chose, et qu'on va commencer à justement vulgariser au maximum pour que les gens puissent comprendre et ne chutent pas cet obscurantisme. Parce que ça doit retourner à l'obscurité, dit-il, des fécateurs. Ouais. Mais que ça chute pas. Il faut pas qu'on laisse ces gens-là en disant, ah, c'est juste des mecs un peu malades. Non, non, il faut pas laisser ça comme ça, parce que justement, plus ils commencent à avoir de l'influence, et plus on commence à avoir des problèmes avec par exemple, comme il y a quelques années de ça, c'était le live de l'European Space Agency qui avait été pris d'assaut par des gens qui disaient, ah, c'est fake, machin, mais véritablement, quoi. Du coup, ou alors Thomas Pesquet qui avait pas pu faire son live une première fois parce que t'avais des gens qui leur tombaient dessus, genre en masse, en disant, on va vous signaler, tout ce que vous faites, c'est fake, etc. Parce que ces gens-là, ils sont extrêmement seuls en réalité, quoi. Et je suis extrêmement désolé pour eux, véritablement. Ouais. Véritablement. Voilà. Bref, c'était ce film-là. Je vous recommande vraiment vivement. C'est un bon documentaire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je passe la main. D'accord. Merci, Nelson. Merci à vous. Banyo avec film noir. Alors, oui, en effet, film noir qui n'a rien à voir avec un documentaire. Oui, par contre, du coup, là, c'est l'animation. Donc, c'est un film de 2007 de deux réalisateurs. Et c'est une coproduction à la fois serbe et américaine. Donc, on comprend que les réalisateurs ont des noms à coucher dehors. D'un côté, nous avons Risto Topalowski, sans W, il n'y a rien, Dis c'est donc, pas grave, toi, c'est on dit pas qu'ils ont dit non à coucher dehors, c'est juste des noms à consonance étrangère, mon petit, hein, c'est pas pas. La cancel culture n'est pas encore arrivée, Qu'est-ce ça que c'est que ça, quoi? Et nous avons de l'autre côté des Jude Jones, qui est à la fois réalisateur, qui est producteur associé et qui coécrit le scénario aussi. Donc c'est un peu même presque lui qui a la main mise sur le film. Et je vais à nouveau, comme à chaque fois, contextualiser un peu le truc. Vas-y, contexte, Voilà. contexte. Oui, contact. En fait, ce genre de film, on se doute qu'il a pu voir le film grâce au succès d'un certain Sin City. Qu'est-ce que c'est que Sin City? Sin City, à la base, c'est une série de comics de Frank Miller, que Frank Miller va dessiner entre 91 et 2008. Frank Miller, il a commencé à faire Sin City parce qu'il était, il voulait vraiment être libre dans ses, dans, dans sa, dans ses écrits. Et le cinéma l'avait laissé à une expérience amère. Robocop 2, par exemple, où il écrit le scénario, il a dû un peu s'auto-censurer parce que pour lui, il n'avait pas pu tout mettre. Alors quand on voit Robocop 2, effectivement, qui est pourtant des plus violents des trois films, tu fais, ok, bon. Ouais, bah Et, oui, mais tu sais, voilà, c'est vrai que Robocop 2, ça a été, pardon de te couper, c'est Robocop 2, ça a été quand même un des plus ouf, en fait. D'ailleurs, le premier, il était très violent, mais celui-ci, s'il avait été jusqu'au bout, en fait, il aurait été encore plus violent. Ouais, Faudrait... Robocop 2, quand même, je trouve qu'il va très loin, quoi. Le problème de Robocop 2, c'est qu'il n'a pas l'ironie et le côté perverti, intelligent de Verhoeven. Ouais, voilà. Miller, c'est un bourrin. Miller, c'est un bourrin, donc bon. Et du coup, comme il est très frustré là-dessus, il va créer Sin City, et il y a 7 tomes. En France, à tous les 7 tomes. Et Sin City, c'est essentiellement en noir et blanc, avec juste parfois un petit peu de couleur, tout ça, quand tu vois les yeux bleus ou verts d'une fille ou un autre truc. Ouais, c'est Il y a très juste. stratégique. C'est ça, c'est juste pour attirer le lecteur là-dessus. Sauf à un moment, ça se voit un peu plus, dans le quatrième tome, qui s'appelle The Yellow Bastard, où on voit un personnage d'enfoiré, Yellow Bastard, ça veut dire un peu ce fils de pute ou cette espèce de salaud en jaune. C'est un peu intraduisible comme jeu de mots américain, où tu vois le méchant qui est tout en jaune, qui largue l'inspecteur qui est joué dans le film par Bruce Willis. Et donc du coup, Sin City, ça a quand même eu un certain succès. Ça s'est attiré des critiques défavorables parce que beaucoup ont reproché qu'il y avait des effets gore qui étaient un peu cruels et graphiques. Beaucoup ont reproché aussi qu'il y avait parfois du sexe, etc. Mais d'un autre côté, pas mal de critiques ont dit que le noir et blanc était magnifique, qu'il y avait une excellente maîtrise des compositions, des couleurs, etc., qui rendait vraiment hommage à l'esprit du film policier des années 40, les fameux films noirs. Or, donc, après Sin City, du coup, il a eu son petit film en 2005 grâce à Robert Rodriguez, avec apparemment Quentin Tarantino qui a tourné une petite scène, je sais plus laquelle. Si vous avez une idée, vous pouvez préciser. Je sais plus Non, du je tout. vois pas, je vois pas. Bon, enfin, de toute façon, Tarantino, il est cuit comme cochon avec Rodriguez, donc c'est pas étonnant que parfois les mecs ils changent des trucs. Il faut se Ouais. rappeler les Terreurs ainsi que l'autre film Grindhouse de Tarantino. Et Sin City a eu un très bon succès, Sin City. Sauf que le film, il y a beaucoup de noir et blanc, mais le film joue un peu plus sur les effets colorés que le comics. Par exemple, le comics, c'est des moments où il y a un gigue avec le sang et il n'y a pas des colorations rouges, etc. Le film va un peu mettre ça de côté, etc. Mais la très bonne idée du film, c'est de garder l'univers en noir et blanc et parfois de l'accentuer à des effets graphiques. Par exemple, les lunettes d'un méchant qui est joué par notre cher Frodon Elijah Wood, qui cette fois-ci, on voit que c'est filmé en noir et blanc, mais les lunettes, le blanc est complètement découpé numériquement sur l'image, pour un blanc encore plus éclatant. Il y a des effets un peu presque qui se rapprochent des ombres chinoises. Et moi, je pense que tout laisse à penser que ce genre de film, ça peut être un succès, et ça peut permettre de revoir sur les écrans quelques films en noir et blanc avec parfois un peu de couleur. Je pense à Renaissance, qui est une production française, Cocorico, Renaissance, une animation de Christian Wolkman, en 2006, qui avait à peu Ouais. près bien marché. Et Ouais, je me souviens vaguement de la sortie, moi, mais. pardon, pardon. Je me souviens vaguement de la sortie, il y avait plutôt une bonne critique, il me semble. C'est ça, c'est ça. Il avait à peu près bien marché. Mais Christian Wolkman, après, par contre, on l'a pas retrouvé avant récemment, ces dernières années, avec Room, The Room, qui n'a rien à voir avec le film Ah, d'un. c'est lui qui avait fait celui-là, là, avec. Comment ça s'appelle? Olga Kurylenko? Tout à fait. D'accord. Ah merde, j'allais dire. Oh putain, j'allais dire, je dis Foster. Non, Non, non, tu non. confonds avec Panic Non, Room. pardon. Oui, Oui, bah oui, voilà. c'est ça. Ou même pour encore quelques années plus tard, un certain The Artist en 2011, qui lui est en noir et blanc, mais sur l'affiche, il y a le The de The Artist qui est en rouge, et voilà, et ça reste par contre la thématique du muet en noir et blanc, il n'y a pas d'effet de couleur en film, etc. Après, Et il y puis. avait, excuse-moi, je te coupe, mais il y a eu un peu cette mode de se dire à chaque fois, et des fois ça subsiste encore, de ressortir un film en se disant, hey, si on le passe en noir et blanc, comme ils ont fait avec Mad Max ou avec Logan. Même The Mist de Frank Darabont a Ah, eu ils sa l'ont fait version aussi? noir et Bon, blanc. d'accord. Ah oui, il a eu sa version noir Ah et bah, blanc, le Logan, dit en salle, c'est. sur le DVD. Logan a eu une version Black Chrome. Ah, une version noir et blanc, ouais. Ah putain, je savais pas ça. Alors. Ah oui, tu m'apprends un truc, pardon. Pardon, Nio. Ben, moi, ce que je regrette, c'est qu'un peu ces films noir et blanc est un peu tourné un peu en gadget, alors que à la base, ça permet de redécouvrir des films. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être adoré Sin City et The Artist, qui se sont peut-être penchés sur les films du patrimoine du passé, des années 40-50, en noir et blanc, qui ont redécouvert des trucs fabuleux. Et du coup, ça nous permet de rebondir justement à Film Noir, donc Film Noir 2007, donc un an après Renaissance, entièrement en noir et blanc, avec un peu plus d'effets de couleur. Je vais pas spoiler, Renaissance, il y a entièrement en noir et blanc, Renaissance, mais il y avait un passage en couleur. Un passage très très bref, mais un des plus hauts moments du film. Film Noir, il y a pas mal de passages en couleur, que ce soit les yeux d'une fille, ou parfois le sang qui coule, ou parfois les éclairages, etc. Donc c'est plus du noir et blanc à 90% comme pour Sin City d'autres trucs. Là, on est dans le noir et blanc avec des effets colorés à 70%. Bon. Mais au moins, le film, c'est une série B d'animation pour adultes, qui, comme son nom l'indique, film noir, veut rendre hommage à l'esprit hard boys des polars des années 40-50, qui, où on avait forcément le détective, ou le mec qui remonte une enquête, tout ça, etc. Et d'un autre côté, la femme vénale, les truands, tout ça, etc. Ne vous inquiétez pas, on est en 2007, avec les moyens modernes, téléphone portable, mais l'esprit est conservé, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. L'animation est un peu plan-plan. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la technique utilisée, c'est un peu du cel-shading comme Renaissance. Je sais pas si vous vous souvenez, le cel-shading, à la base, c'est une technique utilisée dans les jeux vidéo. Ouais, Renaissance, c'était pas le film avec comment il s'appelle Keanu Reeves? Non, c'est pas celui-là. En fait, c'est Scanner Darkly Dernière partie, voilà, pardon. avec Bon, Chris. je suis désolé, aujourd'hui, je suis un peu à côté de la plaque, je m'excuse. C'est pas grave, mais ça me permet d'ouvrir une autre petite parenthèse. Le Scanner Darkly, donc de Linklater, Richard Linklater, tout comme Waking Life, sont deux films d'animation qui utilisent la rotoscopie, c'est-à-dire qu'ils filment d'abord les Ouais. acteurs naturellement, et après ils repeint par-dessus. Ouais. D'accord. C'est une technique que j'aime beaucoup, c'est un effet très spécial aussi, qui permet parfois des mouvements extrêmement fluides, et qui par contre, les détails sont moins poussés à l'écran. Là, le cel-shading, alors je sais pas si vous vous rappelez d'un jeu comme Jet Set Radio, c'est Dreamcast, de plus. Comme quoi? Non? Jet Set Radio sur Dreamcast, quelqu'un s'en souvient? Oui, bien sûr. Non, Il moi était je sur jouais pas PS2 sur aussi. Dreamcast. Ouais, moi je l'avais sur PS2 et sur Dreamcast aussi. Voilà, et il avait eu sa version, sa suite, entre guillemets, Jet Set Radio Future sur Xbox. Ouais. C'était entièrement du cel-shading, c'est-à-dire qu'on fait disparaître le contour et on fait ressortir la 3D, mais on pourrait me dire que c'est brouillon, mais en fait non, parce que dans ce cas-là, tout est misé sur l'ambiance, les décors, etc. Et quand vous avez réussi, ça marche du tonnerre. Le Zelda, The Wind Waker, était en cel-shading. Là, Ouais. pour Renaissance ou Film Noir, c'est du cel-shading, sauf que Renaissance a beaucoup plus axé sur le niveau de graphisme poussé dans le noir et blanc, le détail des ombres, etc. Et quand on voit Renaissance sur un grand écran ou même sur un petit écran, mais qu'on met en pause, on savoure les détails, les trucs monstrueux. Film Noir, c'est beaucoup plus lâche au niveau de l'animation, quoi. Par moments, les décors, c'est des paysages de Los Angeles qui ont été refilmés en noir et blanc par derrière la vitre. Et en même temps, ça marche, ça fonctionne dans le film parce que bah, c'est dans l'ambiance du truc, etc. Mais il faut pas chercher un truc extrêmement poussé graphiquement comme Renaissance. D'accord. Donc, par contre, le film se fait plaisir parce que, alors même s'il reprend tous les poncifs un peu du film noir, par exemple, le héros, dès le début, il y a la musique, à côté de lui, il y a un corps, et il semblerait que le flingue dans sa poche, c'est le flingue qui a buté le mec. Donc, il a la musique, il va essayer de remonter l'enquête, il va s'apercevoir que c'était pas forcément un quelqu'un de bien. Il va découvrir que finalement, il était peut-être un salaud, avant de perdre la mémoire. Ah bon, ça c'est les poncifs du film noir. Toute l'enquête, c'est comme des flashbacks. Je sais pas si vous avez vu Boulevard du Crépuscule, de Billy Wilder. Boulevard du Crépuscule, on retrouve le personnage, bon, c'est pas un spoiler, mais le personnage, dès le début, le héros, on le voit mort dès le début du film. Et en D'accord. fait, la voix off du film va te raconter tout ce qui lui est arrivé jusqu'à ce moment fatidique. Là, c'est pareil, l'amnésie, c'est pareil, on pense à la griffe du passé. On pense même, c'est pas vraiment un film noir, c'est plutôt un thriller, mais on pense à même Memento Christopher Nolan, où l'amnésie n'est qu'un prétexte pour déconstruire le scénario et l'amener à chaque fois dans un flashback qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Quitte à ce que Memento donne le mal de crâne à son spectateur. Mais bon. Moi, j'ai Mais pas bon. accroché à mes manteaux, donc. Bah, j'ai des moments où j'ai envie de le revoir, et des moments où j'ai envie de faire, de pas le revoir. Je pense que, mais tu vois, c'est Christopher Nolan. Peut-être qu'un jour, on fera une spéciale Christopher Nolan avec Nelson. Bon. Qui nous reparlera son amour pour Tenet. Voilà. Ah, c'est la seule personne, Nelson, dans mon entourage qui a vu le film plusieurs fois. Oui. Donc, bon. Il est fascinant, je persiste et signe, ce film est fascinant. Voilà. Donc, film noir. Donc, à l'avantage d'être une histoire adulte, et se revendique complètement, vu que bah, le héros va forniquer un peu deux, trois fois pendant le film. Hein. Alors évidemment, c'est pas du... Oui, du sexe, du sexe. Alors évidemment, c'est pas du film porno, il y aura pas des détails, voilà, etc. Mais on a quand même le héros qui est habillé, mais avec le pantalon un peu baissé, pour voir qu'on voit un peu ses fesses, la nana elle est toute nue, on voit un peu ses fesses, tout ça, bon, voilà. La nana qui se baisse sous la douche, on comprend qu'elle va lui prendre le tugu douchenda dans la bouche. Bon, voilà. Le quoi t'as Le tugu d'eau dans la bouche, quoi. D'accord. Oui, ce petit nom du C'est truc. mignon cette pudeur. C'est Ah, c'est choupi. dur, ouais. Donc voilà, et on a évidemment les gens qui veulent le pourchasser, le tuer, etc. En fait, voilà, il faut pas chercher grand-chose dans le scénario, etc. Même s'il réserve son petit twist par moment, mais en fait, on est dans du basique. Je pense que le film n'a pas la prétention de vouloir révolutionner le monde, etc. Il y a d'autres films qui ont un peu en noir et blanc, qui ont fait les choses beaucoup mieux. Ceux que j'ai cités, par exemple. Renaissance, c'est un film que j'avais trouvé pas mal, comme je l'ai dit, en plus. Et je l'ai revu encore quelques années, j'ai vraiment adoré. C'est un genre de film que plus tu revois Renaissance, plus tu l'adores. Film noir, je l'ai vu là une fois, je pense que je le reverrai pas en un moment, voire pas du tout. Donc ça reste un bon film sympathique, mais faut pas s'attendre à des surprises, quoi. C'est vraiment un scénario basique, etc. Mais qui après, qui est tourné pour les adultes, en témoigne ce passage, que vous avez peut-être vu sur Facebook, pour ceux qui me suivent, où le héros, il est dans un appartement, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que des livres sur l'inceste, la perversion, la sodomie, le Mark Gibson, etc., qui semblerait avoir appartenu à lui-même avant qu'il perde la mémoire. Ah. On a du bondage aussi, par exemple, du bondage, mais une nana qui est enchaînée avec des chaînes et qui dit au héros, en montrant le fouet, vas-y, fais-le, je suis dans C'est l'humeur du pour ça, etc. BDSM. Ah, le mec, il s'est découvert une vie qu'il s'attendait pas, quoi, tu vois. Oui, et tu vas comprendre qu'en fait, c'est peut-être pas lui. Enfin, j'en dis pas plus, quoi. Non, c'est sympa, c'est basique, mais ça se regarde. J'avais envie de voir un petit truc d'animation pour adultes, et voilà, j'ai été servi. D'accord, Donc, voilà. ok. Be cool. Ok, cool. Moi, je vais enchaîner avec un film qui s'appelle Promising Woman. Jeune femme prometteuse. Si on veut Je vais faire un lui peu. dire pour nous. Pff, tout de suite. Je voulais pas la faire. Oh! Mais sérieux, justement, on va être pile dans le ton là. C'est là vraiment dans la tête masculine, c'est vraiment pas parce que jeune femme prometteuse en fait, ça veut surtout dire jeune femme pleine d'avenir en fait. Donc vraiment, il y a vraiment une lecture Mince, des termes c'est vraiment une qui lecture au premier degré. Oh. est. Là, vraiment, faut. Et ça va être quelque part un peu le propos du truc. Parce que, alors je vous le fais, je vous fais vraiment le truc. C'est un film de Emerald Fennell, qui est en fait ça fait un moment qu'il devrait sortir en France. Il a été présenté à Sundance l'an dernier. Donc c'est un film, bah, je parle encore d'un film qui a été présenté en janvier 2020 à Sundance, c'est purement un hasard parce que c'est pas la première fois, mais visiblement c'était un bon cru en hein, janvier 2020 pour moi en tout cas. Et il est en attente de sortie française depuis avril 2020. Donc ça commence à faire pas mal. Donc je vous fais le topo de l'histoire. C'est donc Cassandra, elle a 30 ans. Elle vit encore chez ses parents. Elle a un travail qui est vraiment pas cher payé dans un coffee shop. C'est une sorte de tanguy. J'ai connu ça. Pas de jugement, j'ai connu ça. Et elle sort sous... Attends, attends, tu connaîtras pas la suite, ça c'est sûr. Et elle sort souvent en soirée où elle finit complètement torchée avant d'être ramenée par des gentils messieurs chez eux. Et qui tentent leur chance du coup. En réalité, Cassandra, en fait, elle reste marquée par le viol de sa meilleure amie, dont on devine le sort plus tard au fil du film. Et en réalité, elle n'est jamais torchée, en fait, quand elle se fait ramener chez ces messieurs. Et elle poursuit une sorte d'agenda quand elle fait ça. C'est une démarche volontaire, en fait. Parce qu'à un moment dans la soirée, les mecs, ils tentent leur chance et d'un coup, elle fait « Hey, je suis pas ça, je suis pas torchée. » Donc, et donc, en fait, elle poursuit également une genre de vendetta personnelle, en fait, contre ceux qui ont participé de près ou de loin au viol de son amie. Alors, avoir le truc comme ça, en fait, on pourrait se dire, c'est un rape and revenge. Mais pas tout à fait, parce qu'en fait, ça reste quand même dans des critères très, très réels, en fait. Donc, et si le rape and revenge était réel, en fait, ça donnerait peut-être ça, quoi. Donc ouais, alors c'est produit par la société de prod de Margot Robbie. Il s'agit en fait donc du premier long métrage de la réalisatrice qui est en réalité actrice. Voilà. C'est sur un sujet donc pile de notre époque en fait, c'est-à-dire comment certains hommes profitent de la faiblesse des femmes pour les violer en soirée et ce qui est fait après pour les protéger quand ils commettent des crimes envers les femmes. Et d'ailleurs sur le fait de la faiblesse de la faiblesse justement dont certains mecs profitent, il y a deux trucs marquants par exemple dans la réaction des gars quand ils se rendent compte qu'elle est sobre. Au début du film en fait plus ou moins dans le générique quand elle se fait siffler par donc elle revient de soirée, elle se fait siffler par des ouvriers de chantier. Et en fait, elle s'arrête juste pour les fixer sans rien dire. Et là, en fait, ils sont tellement déstabilisés qu'ils en deviennent hostiles. Et pourtant, elle fait rien, elle s'arrête juste pour les fixer. Juste parce qu'elle a pas de réaction de fragilité ni de complicité avec eux, quoi. Et donc, pourquoi le titre Promising Young Woman, donc jeune femme prometteuse? Parce que justement, il s'agit de refléter comme un événement tragique impacte ici la victime, mais aussi la personne qui lui était proche au point de mettre un terme à une vie qui s'annonçait prometteuse. Il s'agit de démontrer, en fait, par le perso principal, l'impact d'un tel événement produit dans le relationnel avec les gens aussi. Et ça peut paraître extrêmement sérieux comme film, tout ça, un peu barbant sur son sujet militant. Et je sais pertinemment que ce genre de propos ne plaira pas à tout le monde. Et à mon avis, il va falloir s'attendre à ce que soit certains vont critiquer le film sans jamais admettre que c'est pour le propos et en étant de mauvaise foi sur la qualité du film. Soit certains, comme on le voit souvent, hein, quand il y a une femme en lead dans un film, oh là là, c'est la mode de mettre des femmes en lead. Bon, bref. Exactement. Et soit certains vont critiquer le propos du film, mais sans parler la qualité du film, en fait. Donc, je vois d'ici aussi le fait que certains vont dire que c'est un film contre les hommes. Non, en fait, ça parle surtout du fait qu'on met en avant un profil d'homme qui ne serait pas un agresseur, c'est-à-dire celui du gentil garçon ou du jeune homme un peu bon gendre. Autant dire que en plus vu le casting, je suis vraiment pas sûre que ce soit un truc contre les hommes. Hein. C'était un truc militant contre les hommes. Il y aurait pas autant de personnes hein, plus ou moins connues dans le film, et notamment donc des mecs en fait. Parce que généralement quand on a un casting comme ça, c'est que soit le sujet en fait de par le sujet les gens se disent qu'il faut jouer dedans parce que ça sera le truc qui sera bon pour ma carrière absolument, c'est le film qu'il faut. Soit c'est un film de copains. Je pourrais pas dire si c'est l'un ou l'autre, peut-être les deux. Parce que quand on voit qu'un des mecs qui a un rôle crucial dans les événements, en fait, est joué par Chris Lowell, qui est pas le mec le plus connu, mais qui jouait dans la série Glow aux côtés de Alison Brie, qui figure aussi au casting. Donc là, en fait, on a un film indépendant, en fait, clairement, dans lequel on a des acteurs avec une certaine notoriété aux États-Unis, pour avoir joué dans des films ou des séries connues, mais qui viennent ici juste jouer un rôle le temps d'une scène. Que ce soit Adam Brody qui a joué dans une ou deux séries ado à succès, ou Christopher Mintz-Plasse, McLovin, qui vient juste et qui fait justement l'archétype du mec gentil qui abuse de la nana bourrée, tout en disant ah mais je suis un mec gentil moi quand il se fait pincer. Ou t'as Alfred Molina qui fait un avocat plein de remords en fait. Alfred Molina quoi. Attends, rappelle-moi, Alfred Molina, c'est Docteur Octopus, Docteur Octopus hein, aussi dans Spider-Man version Sam Raimi. Voilà, Et qui merci. avait joué aussi dans le film de Frida Kahlo. Enfin, il a fait Oui. il a quand même un sacré. Enfin, voilà, Alfred Molina. Chez les nanas, on a Connie Britton en fait qui entre plusieurs séries et quelques films. Par exemple, elle a joué dans la première série d'American Horror Story. Moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit parce que voilà quoi. Mais elle a joué dans énormément de séries aux États-Unis. Elle a un visage connu du divertissement US. Où je le disais tout à l'heure, Alison Brie en fait qui s'est fait connaître à Community et qui est jouée dans Glow en fait qui a pas trop mal marché. Dans les rôles plus importants en fait qui était d'ailleurs aussi dans Disaster Artist vu qu'elle est maquée avec un frère de Franco. James Franco et qu'il est dedans aussi et puis il y a le rôle principal donc Carey Mulligan ah oui non j'attends j'ai pas fini attends je saute plein de trucs en fait. Ses parents, attends, ses parents qui font ses parents en fait à Cassandra. Jennifer Coolidge, la maman de Stifler dans American Pie, Ah ouais, et qui dans le jouait premier, c'était dans le premier. bon dans tous en fait. Ah, j'en ai vu que deux, en fait, je crois que c'est le premier. Qui jouait aussi non, avec Reese Witherspoon dans La Vengeance d'une blonde, là je sais plus l'histoire de Bocat. Et Clancy Brown qui fait son père. Clancy Brown, Kurgan dans Highlander. Okay. Mais ouais, et bon, on en avait déjà parlé aussi. Il fait aussi Monsieur Krabs dans Bob l'éponge, mais ça je m'en remets pas. Mais Clancy Brown, que on connaît forcément sa tête, il a fait énormément de trucs aussi, beaucoup de séries aussi, enfin bref. Il est partout. Et voilà, il fait beaucoup de voix aussi apparemment. Et on a aussi Laverne Cox qui jouait dans Orange is the New Black, qui joue sa patronne. Voilà, celui qui me disait rien en fait c'est Bo Burnham qui joue le Love Interest de Cassandra, du personnage principal. Il a fait plusieurs trucs il y a quelques années, il a fait plusieurs trucs en fait, et en fait depuis plusieurs années. Mais apparemment en fait il s'est fait connaître aux USA en chantant sur YouTube dès 2006. Et il a réalisé un film en 2018 qui s'appelle Dernière année, qui a remporté quelques prix dans des festivals. C'était là aussi sur un sujet assez typique de notre époque, c'était sur l'anxiété sociale d'une ado de 13 ans. Donc voilà. Et puis en fait, donc voilà, on y arrive, Carey Mulligan, à qui ça va vachement bien de jouer une nana un peu dure et sexy, qui n'a, enfin voilà, elle n'a jamais été aussi jolie d'ailleurs, mais c'est pile dans son personnage, puisque justement, elle est censée jouer une meuf qui fait la pas, quoi. Et j'ai assez envie, enfin moi ça m'a donné envie de l'avoir plus dans des rôles comme ça, enfin plus dans des rôles de femme forte. Ça contraste pas mal avec son physique de poupée innocente. Et puis vraiment pour le SC, c'est-à-dire qu'elle joue pas la meuf qui fait la meuf dure, c'est-à-dire qu'elle est la meuf dure. Vraiment, c'est une très très bonne actrice. Mais enfin attention, hein, c'est en fait c'est elle c'est une personnage d'apparence forte parce qu'elle en réalité. Enfin, elle est juste. Tout ça, c'est justement la résultante d'une fragilité et d'une innocence qui a été heurtée, justement. Sur les points positifs du film, en fait, on a un sujet très actuel, tout comme l'a été Antebellum l'an dernier, en fait, qui parlait du racisme aux États-Unis et de la place des Noirs vis-à-vis de l'histoire américaine et ce qui subsistait pas mal aux États-Unis. je trouve que là aussi, ça parle pile dans ce que je vois régulièrement chez plein de jeunes femmes, dans des témoignages, dans certains militantismes, tout ça. On a un casting abordable au spectateur, il n'y a pas de grosse star qui vient parasiter le film. On a une utilisation des gros plans qui sert le film. La réalisatrice donne de l'importance au décor, ça se voit, et a s'est créé de la cinématographie avec. Il y a même, voilà, on sait que par exemple, t'as chez le décor du coffee shop dans lequel elle travaille, chez ses parents, enfin tout, tout, tu sens que rien n'est choisi au hasard. Il y a même une scène qui fait très vieux film avec une caméra qui soigne de l'artiste debout vers le haut dans la rue, tandis qu'un train de marchandises passe au loin derrière avec une musique classique façon vieux film hollywoodien qui démarre sur tout le début de la scène avant. Je spoil pas parce qu'il faut voir la scène en entier. Elle utilise pas mal les plans par en dessous aussi quand il s'agit de scènes particulières où un des personnages va être mal à l'aise. En fait, il y a clairement un ton indé, mais sans verser dans les défauts du film indé. C'est-à-dire utilisation à outrance des gros plans, de la cam à l'épaule, enfin des trucs comme ça. Elle ouais, utilise. C'est pas une réalisation à l'économie non plus, quoi. Voilà, exactement. Elle utilise des codes féminins aussi, c'est-à-dire qu'on a décor aux couleurs pastel, mais pile en fait. Quand il s'agit de montrer certains états d'esprit, en fait, des décors couleur pastel, de la musique pop. D'ailleurs, l'utilisation du titre Toxic de Britney Spears, repris en version instrumentale dramatique, passe très bien pour ce qui suit sur la scène d'après, sur les scènes d'après. Hein. Même la génération du générique de fin, en fait, quand on écoute les paroles du début, ça reflète bien le film et sa fin, quoi. C'est vraiment tout est très très choisi. Sur les points négatifs, j'en ai pas tellement, en fait. On sent peut-être qu'il manque une petite chose, peut-être au niveau du scénario, pour apporter un peu plus de contenu. Mais c'est pas hyper gênant. Certains pourront peut-être penser qu'il n'y a pas de truc super novateur. On est finalement dans une relation. Et certains vont dire, ouais, c'est classique, gnagnagna. Mais pas du tout, en fait. C'est loin d'être flemmard. Tous les plans sont travaillés. Que je leur dis, rien n'est fait au hasard. Et ça se voit, quoi. Et tout le casting est vraiment bien. Il n'y a pas de fausses notes. Le film repose sur la prestation de Carey Mulligan. Mais en même temps, chacun derrière s'est accompagné sa prestation. Petit détail, on voit la réalisatrice dans le film. Elle joue une nana qui fait un tuto pour avoir des lèvres à pipe. Voilà. D'accord. Ok. Pour avoir des lèvres à pipe, mon jeune innocent. Tout va bien. Et voilà. Et le monteur est français. En fait, et même s'il travaille sur des prods US en ce moment, en fait, il a quand même fait son début de carrière sur les prods Besson, avec Banlieue 13, Tekken, Angela, les enquêtes d'Héloïse Rahm aussi. Donc, bon. Donc pour finir, en fait, un film d'actrice, réalisé et écrit par une actrice, produit par une actrice, très soignée dans sa conception, et qui a d'ailleurs reçu des nominations au festival, et quelques prix. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'invite ceux qui regardent plus tard, enfin, à mater la page wiki en anglais, parce qu'il y a, pas la française, parce qu'ils sont toujours plus succinctes, mais en anglais, parce qu'il y a un gros tableau qui récapitule d'ailleurs les nominations et prix. Voilà, voilà. Ok. Du coup, on va finir sur un truc toujours aussi sexy, les gourous. Avec Nelson. Oui, c'est un documentaire Netflix qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle il y a 2 ans maintenant, parce qu'on est en 2021. Je sais que 2020, on veut tous l'oublier, mais quand même. On va dire que ça n'existe pas. Voilà, surtout pour moi. Donc, Bikram Yogi Guru Prédateur, un édifiant documentaire Netflix, sur un. Alors, c'est un prof de yoga qui débarque dans les années 70 et qui dit qu'il est le prof de yoga de rien d'autre que Richard Nixon. Eh ben. Il raconte qu'il a rencontré, qu'il est parti à Honolulu pour voir Richard Nixon et il lui a dit voilà, vous boitez de la hanche. Écoutez, faites ce yoga-là avec moi, contactez-moi et vous allez voir, vous aurez plus mal. J'adore l'idée de penser que Nixon a fait du yoga, quoi. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Et Nixon l'aurait contacté et en remerciement de lui avoir fait oublier sa douleur à la hanche, il lui a offert une carte verte. Et à partir de là, il a ouvert le Bikram Yoga, qui est une école de yoga dans rien d'autre qu'une fournaise. Voilà, il monte ce truc, c'est très simple, tu poses les tapis par terre, tu montes le chauffage à fond et tu fais ton yoga. Et C'est tu juste pour douilles que ta les gens mère. se mettent à Voilà, et tu douilles ta mère et ton prof de yoga, c'est un mec en slip noir qui se trimballe avec un micro-casque. Voilà. C'est à peu près. Voilà, je pense que j'ai planté le décor. J'ai planté le décor. y a des soirées comme ça dans Paris, on n'appelle pas ça des séances de yoga. Hein, donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis la fille, elle n'est pas couverte de sueur, en tout cas pas que de sueur. Bref, ce détail-là étant. Ouais, merde, qu'est-ce que je dis, moi? Donc, suivant, suivez, ouais, suivant. non, non, mais ouais, passons à autre chose. Donc, oui, le truc, c'est que le bonhomme, là, il a constitué une première équipe, puis il a commencé à raconter des trucs comme quoi il avait été. Bon, il avait un maître de yoga, que son maître de yoga, il lui a enseigné. Et que ensuite, de ses 10 ans jusqu'à ses 12 ans, il a été champion de yoga, que à la fin, en fait, les gens lui ont demandé d'arrêter d'être compétiteur parce que c'est plus possible, ça laisse pas de chance aux autres. Et puis ensuite, il a fait de l'haltérophilie et il devait faire les JO en 64. Et finalement, il y a son partenaire d'entraînement, il lui a fait tomber un poids très très lourd sur la jambe, qui lui a fracassé le genou. Et bah, normalement, il n'était plus du tout question qu'il fasse les JO de 64. Le truc, c'est que bah, il a été revoir son prof de yoga, son maître de yoga, et son maître de yoga, il l'a rééduqué. Et à partir de là, le mec savait faire la position du lotus et il a dit, je veux être je veux transmettre ton savoir à travers le monde. Et il part à Honolulu, il va rencontrer donc Richard Nixon. Et mine de rien, bah ça peut être pas mal comment ça s'appelle, son discours et surtout son yoga. Et il commence à avoir au début, alors il y avait Shirley MacLaine, ensuite il a eu un des Beatles, Harrison, George Harrison. Il a eu George Harrison, et ensuite il a commencé à avoir Frank Sinatra, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Et il commence à avoir beaucoup de stars, et il commence à avoir un nom, et il commence à faire de son nom une marque. Et pour pouvoir que tout soit légal au niveau de cette marque, il fait venir une dame d'Inde. Il fait venir une dame d'Inde, et ça va être son. Comment ça s'appelle? Elle va s'appeler Mickey. Et c'est son conseiller, comment on appelle ça, merde, On va te laisser chercher tout seul. non, mais oui, non, mais c'est son conseiller juridique, c'est son conseiller juridique, voilà, c'est son conseiller juridique, c'est elle qui va s'occuper de rendre, bah, justement, de pouvoir sauver au droit d'auteur cette technique de yoga et en faire un vrai business. Et il va en faire un vrai business et il va commencer à former des profs. Et puis, au bout d'un moment, bah, ces gens-là, en fait, ils choisissent des gens qui sont, bah, fragiles psychologiquement, qui sont, ou qui étaient gros au départ, ou qui avaient des filles qui avaient des problèmes avec leur famille, ou alors qui n'avaient pas de père, etc., etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, il va commencer à abuser des filles. Et comme on est dans un système totalement fermé, c'est-à-dire que les profs, pour qu'elles continuent à être profs, il faut qu'elles restent dans justement dans le domaine Bikram Yoga, tu vois. Donc elles peuvent pas s'en aller, tu vois. Et donc bah du coup commence à être commence à tu vois, il y a une loi du silence, une sorte d'omerta qui s'organise autour de justement ce mec-là. Si tu as été touché, il ne faut pas en parler. N'en parle pas. Et il y a beaucoup de filles qui vont être dans ce silence-là. Et en fait, à un moment, Il y a une demoiselle, donc ça va s'appeler Sarah. Bon, on va l'appeler Sarah, je vais retrouver son nom dans 2 secondes. Voilà, et en fait, cette femme-là, elle va carrément parler à la télé. Et au début, voilà, Sarah Bone, elle s'appelle. Elle va venir parler de ça à la télé parce qu'en fait, elle a eu un enfant, elle a eu une petite fille. En fait, sa fille, un jour, lui dit, Maman, je veux devenir comme toi, je veux devenir une prof de yoga. Et elle, dans sa tête, ça a fait tilt, elle s'est dit, Non, mais je peux pas, avec ce qui m'est arrivé, parce qu'elle s'est fait violer, une tentative de viol par Bikram. Et ben donc Bikram Choudhury, c'est son nom complet. Il y a une tentative de viol et elle se dit je peux pas garder ça en moi et dire à ma fille continue tu deviendras une prof de yoga comme moi parce que voilà parce que moi vu ce que j'ai traversé je peux pas me taire. Et elle parle à la télé et il y a d'autres personnes d'un coup qui se mettent à parler dont une fille très très belle d'ailleurs qui s'appelle Larissa Anderson et qui elle va aussi parler et donc les langues vont commencer à se délier. Et ce mec, c'est un mégalomane. Comment il s'appelle Bikram Choudhury, c'est un mégalomane. Et au début, il va commencer à les ignorer. Puis en fait, tout le documentaire va commencer à montrer comment toute sa défense se casse la gueule et comment il va changer 7 fois de cabinet d'avocat et comment il va essayer de tout faire pour ne pas répondre aux allégations de viol. Et en fait, ce mec-là est un enculé. Et le médecin, et le, pardon, le médecin, qu'est-ce que je raconte? Le documentaire le montre très bien. Le montre très bien que ce gars-là, en fait, il a juste compris une chose, c'est que les Américains, si tu leur parles pas mal et si tu les traites pas de losers, eh ben, ton truc, ça sera un gentil petit studio de yoga, et ça fera rien d'autre que ça. Si tu leur mets un petit plus en les traitant de losers, en disant regarde-toi, t'es gros, c'est de ta faute, et en gros en les culpabilisant et en choisissant les plus fragiles pour les isoler et en profiter d'eux derrière, eh ben tu seras juste un gentil yogi et ça s'arrêtera là. Et lui, en fait, c'est un mégalomane, c'est un mec qui veut, tu vois, le bigger than life, le gars, il a des Rolex, il est en slip noir avec une Rolex au poignet, il a des comment ça s'appelle, des Ferrari, des Lamborghini, en veux-tu, en voilà. Bon, il est tellement Et too much que ça devient difficile de le contrer, quoi. exactement, exactement. Et le documentaire va montrer ça, va dire qu'en fait, à un moment, le mec, il a le bras tellement long qu'en fait, à un moment, il va refuser complètement les décisions de justice parce que le mec il va carrément menacer son conseiller judiciaire, excès il de va la confiance virer du quoi. jour au lendemain. Ouais, il va la virer du jour au lendemain et la meuf elle a plus rien, c'est-à-dire qu'elle a quitté l'Inde pour venir travailler pour ce gars-là, tu vois. Et en fait le procureur qui va accepter cette affaire, elle va dire donc à cette dame qui s'appelle Mickey, elle va lui dire ok, j'accepte cette affaire. Mais on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous refusez les accords à l'amiable. Et elle va aller jusqu'au bout. Et en fait, le mec, il va prendre la poudre d'escampette. C'est-à-dire qu'il va être condamné. Et Oh il va la se barrer en fuite, quoi, Thaïlande. les lâches, Il quoi. va, voilà, il va se barrer en Thaïlande. Il va transférer tous ses biens ailleurs. Et en fait, il va faire un divorce fake pour éviter que il ait à payer ces sommes-là. Et en fait, le type, il va s'en sortir, c'est-à-dire qu'il va prendre un comment ça s'appelle il va réussir à faire que la moitié des cas pour lesquels ils sont accusés vont être réglés à l'amiable. Et Ok. ça, c'est tu vois, et Et c'est du coup, vraiment et c'est au-delà de un coup. raconter le enfin, au-delà Non, du mais moi j'ai envie de le raconter parce que c'est Attends, vraiment ouf, mais c'est vrai, je suis d'accord, c'est pas bien ce qu'il dit. au-delà du storytelling, en fait, toi, tu parles, par exemple, pour le premier documentaire, de la scénarisation, là, est-ce que tu sens une scénarisation Là, sur celui-là? non. Là, il n'y a pas de scénarisation. Tu sens Là, que il n'y ça en a s'est pas, construit de c'est-à-dire. soi-même, en fait, en fonction des événements? Exactement. Comme le documentaire sur O.J. Simpson, que Arte avait diffusé, eh ben là, tu sens que c'est pas fake. Tu sens que c'est pas fake, qu'il y a des trucs, que les gens sont passés par des séquences dans leur vie où en fait, ils ont été complètement le cerveau lavé. C'est-à-dire qu'à la fin du doc, il y a une meuf qui dit, moi j'espère qu'il va faire son comeback. Mais En fait, du merde. coup, on bascule pas dans les moments larmoyants avec témoignages de victimes, machin, qui... Non, justement, il y a qu'un seul moment où bah, les victimes elles craquent. Il y a qu'un seul moment en réalité, tout le truc. Moi, j'étais sur le cul. Je me dis mais tu sais, avec un œil extérieur, c'est facile de dire mais putain, vous l'avez pas vu venir. Mais en même temps, Ah l'idée, il les a non, tellement. Il y a quelque chose qui est tombé. Il les a tellement conditionnés que c'était forcé qu'ils tombent dans le panneau. oui, C'était c'est-à-dire que quoi forcé qu'il qu'ils tombent arrive, dans le en fait, panneau. de toute façon, quand tu vis des trucs, c'est toujours facile de critiquer après coup, en fait, quand il se passe des trucs. Exactement. C'est, mais quand tu es Exactement. dans un processus d'action, bah, c'est pas. Surtout qu'en plus, souvent, les gourous, ils choisissent des personnes un peu fragiles exprès pour ça, quoi. Donc, Ouais. parce que c'est des gars qui sont. Leur truc, ils vivent d'utilisation de la fragilité, quoi. Donc Ouais, voilà, quoi. mais malgré tout ce que je viens de raconter, il faut regarder ce doc parce que le fait est que, si tu veux, les mecs, ils ont été enquêtés en Inde. Ouais. Tu vois, ils ont été quand même enquêtés en Inde S'il avait un pour passif, voir quoi. si, bah ouais, pour voir qu'est-ce qu'ils racontaient, si c'était vrai. D'accord. Tu vois, Ok. ils ont été en Inde, ils ont été, tu vois, à travers les États-Unis et tout. Puis en fait, au final, tu t'aperçois que le mec, bah, de toute façon, dans sa tête, il est tellement hors de la réalité que pour lui, il est, ouais, non, ces meufs-là, elles le méritaient. C'est un Mais travail bon, d'enquête. C'est un travail ah d'enquête, en ouais. fait. Ok. C'est un vrai travail d'enquête. Il n'y a rien qui est Ok. situé dans ce truc. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le documentaire retrace, et encore, je trouve qu'il ne va pas assez loin, parce qu'il y a même y a des choses, en fait, où le gars, il est carrément allé jusqu'à des allégations racistes, il est allé jusqu'à des humiliations, il a, tu vois, qu'on essaie de comprendre aussi pourquoi le procureur général de Californie, il a pas poursuivi les enquêtes de, tu sais, pour viol, tu vois? Et que donc, ce mec-là, il avait le bras tellement long que forcément, tu vois, on en est carrément Oui, à aller dans des, c'est un travail de minutie pour analyser en fait son processus de fonctionnement ouais, et comment mais, il a impacté ce qui lui est arrivé, comment il a et pour te combattu ça. dire, et, Mais pour te dire simplement et pour conclure là-dessus, Ouais. jusqu'à le les comment dire, le procureur général a refusé de parler dans ce film. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont refusé la police de Los Angeles et le procureur général a refusé tout bonnement Ok. de répondre aux questions. Tu vois, Okay. et c'est de dire à quel point bah, ce truc-là aussi parle aussi de lui-même sur bah, la justice à deux vitesses, que ce soit pour le riche ou pour le pauvre. Et Ouais. voilà. Et franchement, bon, regardez ce truc, si j'en ai parlé, j'ai quasiment spoilé la moitié du film. Regardez ce documentaire juste pour vous apercevoir à quel point ce mec est un enculé et à quel point, quand on est fragile, on peut se faire baiser facilement par des gens qui vous font croire qu'ils vont vous faire découvrir votre potentiel, alors que le seul yogi et gourou qui peut exister pour vous, c'est vous-même. Voilà, C'est c'est bien, on tout. avait une thématique à tous les deux, en fait. C'est comment on se fait baiser quand on est fragile, en fait. Donc, Exactement, exactement. Mais ouais. voilà, c'est la folie, quoi. C'est la folie parce que ce doc est très très intéressant pour ça. Vraiment très intéressant pour D'accord. ça. Celui aussi, Behind the Curve aussi, parce que justement, il a comment dire, cette thématique commune de dire, voilà, quand vous êtes fragile, voilà ce qui peut se passer. Quelqu'un Ce qui est bien, c'est peut qu'en fait, aider vos rêves. entre nos quatre films à Nelson et moi, en fait, c'était en gros thématique, si t'es trop fragile, tu te fais bouffer la gueule. C'est Exactement. un peu ça, quoi. Mais du coup, Mio, t'aurais pu être Vous m'avez rien raccord, dit, bordel, vous m'avez même pas prévenu. quoi. Non, non, mais Non, mais tu je tiens à vois, on est en phase préciser. avec Nelson, tu vois, c'est ça le truc. Non, Je suis je tiens content quelque juste à part, j'ai préciser. influencé Nelson pour qu'il regarde des docus, et là, grâce à Nelson, au retour, moi je viens de le mettre dans ma liste Netflix, le docu de Nelson, donc. Voilà. Non, mais c'est surtout, je veux juste préciser un truc. On ne s'est pas concerté. Mais non, mais maintenant, Voilà. tu vois, c'est purement C'est de ça, la base. c'est ça, c'est ça. Bon, bref. En tout cas, voilà. Regardez ce film. Eh ben écoute, écoute, oui, ça a l'air super intéressant en tout cas. Alors attends, parce que du coup, Excusez-moi, je fais autre chose en même temps. Tant pis, j'abandonne. J'essayais de brancher un truc que j'arrivais pas à attendre. Excusez-moi. Donc du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. A priori, on n'a toujours pas de nouvelles de l'ouverture des Cinoches. Ouais, toujours pas. Ouais. Qu'est-ce que tu fous? Là, c'est plus Madame. C'est Bachelot, je crois, carrément. Ouais, c'est Bachelot, ouais, mais pareil, c'est Madame Tussaud, c'est un musée de tir, elle tout seul, il n'y a rien qui bouge. Attends, demain, elle rencontre des acteurs culturels, tout ça, on va avoir des nouvelles pour les festivals, ça va déjà pas être simple, parce que y a des festivals qui vont être, qui commencent déjà à être annulés, genre Solidez a été annulé, donc à mon avis, le Hellfest va être annulé, donc, on sait pas trop, ça se présente pas très, très, très bien. Donc on verra comment ça se goupille, on croise les doigts et on serre les fesses, mais on serre les fesses juste pour plaisir, on sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est pas je dis n'importe quoi, il va être temps d'arrêter. On vous retrouve la semaine prochaine et on vous dit au revoir, bye bye, au revoir.